conseille à tous les Québécois de recharger les batteries, de passer du temps en famille, de se reposer, de surtout prendre du temps pour eux. Le mois de juillet, là, c'est fait pour ça. Pas fait pour la politique. Le mois de juillet, là, c'est fait pour nous. Jeune, dans le vent et anime l'émission la plus excitante, mis à part sucré salé. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci, merci beaucoup. Merci. Écoutez, bonsoir tout le monde, en studio comme à la maison, et j'espère que vous allez suivre les conseils de notre premier ministre. Et prendre ça relax pendant l'été. Il faut se reposer. Écoutez, il est un peu plus de 19h et la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps, et ça à nous et à tout le monde, de se remettre du coup de tonnerre qui s'est déroulé à Ottawa cette semaine. Écoutez, Bev Oda, ministre de la Coopération internationale, annonce qu'elle quitte la vie politique. Hey, grosse perte. Énorme. Et ça, c'est une perte pour... c'est une grosse perte. Énorme. En fait, ouais, c'est énorme perte. Écoutez, elle va pouvoir enfin se concentrer sur sa passion la plus brûlante, le jus d'orange, on le sait. D'ailleurs, suite à cette annonce, on raconte que l'action du jus Oasis aurait chuté de plus de 16%. C'est affreux, mais c'est comme ça. Oui, parlant de chute, il y a Nicolas Sarkozy qui est en vacances chez nous. Hein. oui, d'ailleurs... Mais c'est vrai. Vous voyez, c'est même pas vrai que les manifestations étudiantes ont nui au tourisme. Non. Si Sarkozy vient chez nous quand même, il vient au Québec prendre ses vacances. Je dis au Québec, mais en même temps, c'est chez Paul Desmarais. Là. C'est au Québec, ça, Paul Desmarais? Parfois. Et c'est pas à sa gare. Hein. On pourrait penser qu'il vient à sa gare, non. Mais c'est pas vrai. Il s'en va, en fait, dans une modeste cabane de bois de 34 pièces dans le coin de Morin Heights. Oui. D'ailleurs, on attend le vidéo du party qui devrait sortir très bientôt sur YouTube. Ça va être excellent. Ça. Et est-ce que la vidéo de la perquisition chez Sarko à Paris va être disponible aussi? J'aimerais savoir ça. Je sais pas. Moi aussi, j'aimerais ça, voir ça. On se croise les doigts qui perquisitionnent tous les albums de Carla. Hein? Une autre nouvelle, honnêtement, qui n'est absolument pas fun, et ça, vous le savez, c'est le record de noyade qu'on est en train de battre au Québec cet été. La ministre Courchesne s'est même dite très ouverte à rendre obligatoire les cours de natation à l'école primaire pour être certaine de noyer la crise, sans mauvais jeu de mots. Non, quoi qu'il est mauvais. Il est intéressant quand même de noter que depuis la réforme scolaire instaurée en 2000, le mot noyade, en fait, a été remplacé par le terme respiration sous-marine très lente. Ou différée. Ça. Et en voie d'amélioration. Mais en même temps, je pense qu'on peut respirer par le nez. Là, on le sait depuis que la réforme est instaurée. Il n'y a personne qui coule dans les écoles. Trop tôt. Ouais. Toujours sur un registre particulièrement tragique, c'est la sortie en salle la semaine prochaine du film Omerta. Grosse sortie. Énorme. Hein. Écoute. Moi, je l'ai vu il y a quelques semaines. J'ai été un des chanceux à l'avoir vu. Et je peux pas vous en parler parce qu'il y a une omerta sur le film Omerta. Non, c'est vrai. Mais je vais vous donner quand même un scoop. Le meilleur comédien, c'est René Angélil. Ouais. Puis il parle pas beaucoup. Ouais. Évidemment, impossible de passer sous silence l'annonce de la candidature de Pierre Duchesne, ex-journaliste à Radio-Canada, qui va se présenter dans la circonscription de Bordua, le comté de Pierre Curzy. Et là, c'est une chance quand même pour les citoyens de là-bas qui vont n'y voir que du feu parce qu'ils vont passer d'un comédien qui essayait de nous faire croire qu'il était un politicien à un politicien qui a essayé longtemps de nous faire croire qu'il était journaliste. Ouais. Honnêtement, c'est du pareil au même. Kiff. Autre sujet inévitable, le boson de Higgs. Franchement, surtout si on se tient dans un accélérateur de particules, bien compliqué. Tu es déjà allé? Ah oui? Ouais. 5 minutes. Puis? Ça roule. Faut faire attention à nos lentilles. J'imagine. Hey, non, mais c'est quand même une nouvelle extraordinaire. Water cooler news, comme on dit dans la business. Ça doit jaser boson au Tim Hortons du coin. Ah, tabarouette. Surtout avec tous les scientifiques du CNRC qui sont en file pour aller chercher un café et un beigne. Hein, parce qu'on le sait, le Centre national de recherche a donné à tous ses employés une carte cadeau de 3$ chez Tim Hortons. C'est pas une blague, là, pour les remercier, incluant ceux qui se sont fait remercier d'ailleurs. Ça veut dire quand même quelque chose. Un bang comme cadeau de départ. Ouais, mais je pense que ceux qui ont été remerciés, c'était des Timbits qui vont recevoir. Tant qu'être dans le trou. Merci. Parlant de beaux cadeaux, parlant de beaux cadeaux à 3$, on a deux beaux invités ce soir. On va recevoir à notre grande messe l'évêque de la gauche caviar, Amir Kadir, le député de Mercier. Avec ou sans menottes? Ça dépend de sa journée, j'imagine. Et on va également recevoir le pape de la droite caviar, Gilbert Rozon, qui célèbre 30 ans de pontificat subventionné au festival, juste pour rire. Ça devrait tanguer de gauche à droite ce soir. Mais on aura le temps de s'en remettre parce que la soirée est encore bien jeune. Ouais. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. On salue Marie-Claude Bocage et Philippe Roberge derrière la console. Et Olivier Niquette, évidemment, aux internets. Et oui, je vous invite sur notre site radio-canada.ca/la-soirée pour y trouver nos adresses Twitter, Facebook et aussi des photos d'un chien qui fait du bouche à bouche. C'est vrai? Oui. Ah, grâce au Journal de Montréal. Je parlais d'Omerta tantôt, mais c'était également cette semaine la sortie du tout nouveau Spider-Man. J'ai très hâte de voir. Est-ce que vous l'avez vu, Fred? Mais non, j'ai même pas vu Laurence Anyways encore. C'est pas très grave. Les deux films, c'est l'histoire d'un gars qui se déguise en costume. Okay. Honnêtement. Est-ce que les deux sont ovipares? J'ai pas encore vu Laurence Anyways. C'est-tu maudit? Hein? Vous savez que le corps de Yasser Arafat sera exhumé parce qu'on soupçonne qu'il aurait été empoisonné au polonium 210. L'ancien leader palestinien n'est pas le seul à avoir emporté un mystère dans sa tombe. C'est pourquoi on a pensé à 5 autres personnes que l'on pourrait exhumer juste pour voir. Alors, la 5e personne à déterrer, Maurice Richard, juste pour voir s'il pourrait pas donner un petit coup de main à Canadien sur le 3e trio. Au moins. Deux? OK, on va y passer. La 4e personne à exhumer, René Lévesque, juste pour voir s'il s'est retourné dans sa tombe. Ouais. En fait, c'est pas retourné dans sa tombe, c'est dans son cendrier, je pense. Mais je pense que c'est fait incinérer avec un fil. Ah, OK. Fait que ça compte pas. La 3e personne à exhumer, Pierre Pelado, juste pour voir s'il garderait Éric Durem sur son payroll. Je sais pas, honnêtement. Peut-être même son fils aussi, vous allez demander. Ah, on va lui demander. Et la 2e personne à exhumer, Mao Tse-Tung, juste pour voir comme si Raël, il appuierait la classe. Elle est bonne. Ouais, ben c'est lui qui a écrit le carré rouge, Mao Tse-Tung. C'est ça. Exactement. Et la première personne à exhumer, juste pour voir, François Rebello, juste pour savoir s'il est encore vivant. Ben ouais, il est où, François Rebello? Hey Fred, notre premier invité. Député de Mercier, il est aussi médecin, mais pas dans une clinique privée. Homme de gauche, il est détesté de tous les jambons du Québec, mais heureusement, notre invité n'en mange probablement pas. Voici Amir Kadir. Ah, Monsieur Kadir. C'était vraiment bon, votre affaire. Pas jambon, là, c'était vraiment bon. Non, mais c'est, vous mangez du jambon? Ben, quand il y en a, oui. Ouais, ben, on n'en a pas. Mais on a de la bière. Est-ce que vous voulez une bière? Oui, oui. Ben, pour que la bière soit autorisée pour moi, je suis musulman, il faut du jambon avec. Ah, ben, c'est halal, si possible. La bière au bacon, ça s'en vient, je pense. Hein. Ah oui? C'est dans l'air, oui. La bière au bacon, ben, avec la Bud Light, Lim Mojito, quelque chose de même, là. On va sûrement trouver. Je vous débouche ça. Prenez ça. Ah oui, c'est permis. Ben oui, tout à fait. Ouais. Non, mais franchement, on la paye. Je la paye de ma poche, quand même. Oui, oui, c'est pas des pots de bière. Non, pas tout à fait. Monsieur Kadir, en fait, Chin. Tout un printemps pour Monsieur Amir Kadir. En fait, un printemps pour la famille Kadir. Ben là, qu'est-ce que vous voulez insinuer, là? Ben, quand je dis tout un printemps, c'est comme... C'est parce qu'on est abonné aux journaux, hein? Oui, ah oui, OK. Ah, vous lisez le journal, le fameux journal de Montréal. Même la presse, même le Devoir. Ils sont pas... vous êtes laissé aller, quand même. Vous êtes bon, vous êtes bon. Est-ce que vous êtes fatigué, Monsieur Kadir? Ça a été un dur printemps, mais pas... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, par exemple, devant chez nous, nous saluent. C'est vrai? Peut-être qu'il y en a aussi. Salut avec des œufs ou? Peut-être qu'il y en a. Mais en tout cas, j'en ai pas reçu encore. Okay, ils visent mal ceux-là. Okay, juste voir, juste mais il y a peut-être des gens aussi qui font des doigts d'honneur. Je les vois moins. Okay. Je vois surtout beaucoup de gens, sérieusement, qui s'inquiètent pour nous, qui ont beaucoup des mots d'affection, des mots d'appui et tout ça. Puis j'ai l'impression, des fois, qu'ils s'imaginent que c'est bien pire que ce que c'est réellement. Ben, en même temps, ça a l'air pire. Tu veux dire? Tant que ça? Ben, honnêtement, oui. Ah bon, OK. Ça fait quoi comme souper le dimanche, ça? Je veux dire, autour de la table? Parce que là, regardez. Mais depuis qu'il n'y a plus tout le monde en parle, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est mais ça. À part ça, bon, on essaie vous de... Vous écoutiez encore ça, vous? Enfin. Amir c'est Kadir, méchant, dans... c'est très méchant. Non, c'est une petite blague. Amir Kadir, dans René un... Guillaume Lepage, j'allais dire René Lepage. Guillaume Lepage, c'est mon voisin. D'accord? Arrêtez donc, c'est vrai? Oui. Ah oui? Fait que vous restez tous dans le même coin pour C'est confirmé, la gauche caviar, plateau, là, ça existe. La gauche caviar se tient, comme droite... On a dit la droite quoi, déjà? La droite caviar aussi. La droite caviar. Vous mangez toutes la même affaire. Oui, ça vient d'Iran, d'abord. Non, mais M. Kadir, dans un article du Devoir qui date de quelques jours, on pouvait lire l'énorme chute de votre popularité en tant qu'élu. Vous étiez premier pendant longtemps et vous êtes maintenant 19e. On dit même que c'est une chute spectaculaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un grand spectacle, effectivement. Oui, ben oui, que vous avez donné à d'ailleurs. On m'a très donné beau. Un spectacle. Ah, je pense que vous vous êtes donné aussi, quand même. Ben, honnêtement. C'est ce que vous pensez. Ben oui. Okay. Vous avez lancé un. Ben, non, mais vous avez lancé une chaussure. D'ailleurs, je vois que vous êtes venu en sandales. C'est un plus. Non. Attendez, la chaussure, c'est il y a longtemps, là. Vous êtes en retard dans les nouvelles. Ah non, mais là, je parle quand même de vos dernières années. D'accord, là. Les années. D'accord. J'essaie justement de mettre la lumière, pas seulement sur les dernières semaines. OK. Mettre votre carrière en lumière au complet, ben, comme Gandhi et Martin Luther King l'ont fait avant vous. Gandhi était pieds nus. Il n'y avait pas de chaussure. Ben non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je vois Gandhi, que vous êtes en sandales. Gandhi portait la sandale aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Non, il était pieds nus, je pense. Ah oui, des fois, la sandale, les soirs frisquets, oui. Oui, ben les soirs. Cela dit, vous êtes en baisse. Et là, on se demande si c'est pas une stratégie pour éviter que Jean Charest fasse une publicité négative contre vous. Parce qu'une fois que vous êtes rendu en bas, plus besoin de s'attaquer à Amir Kadir, quand même. Ben, c'est possible. Écoute, moi, je suis très naïf dans ces choses-là. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Mm-hmm. Puis des fois, ça fait braire. Oui. Puis d'autres fois, ça fait... Et ça fait pas taire. Et est-ce que ça fait braire Québec solidaire? Parce que Québec solidaire est pas vraiment plus populaire que son quand seul même député. Si. Non, ça va bien. Ça va ah bien oui, parce que je regardais les deux dernières partielles. C'est un drôle de bien quand même. Hein? Ben, écoute, quand on a fait 2 % quelque part puis qu'on fait 9 ou 6 % on peut dire qu'il y a une augmentation spectaculaire. À tripler au moins. C'est ça. Ben oui. Mais non, mais plus sérieusement, regarde, on s'était donné comme objectif d'être à peu près. Il y a un an et demi. Oui. On s'était rencontrés, grand branle-bas de combat intellectuel pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avant les prochaines élections. Puis on avait fixé très courageusement l'objectif de 6500 membres au printemps 2012. D'accord. On l'a dépassé au printemps 2011 grâce à certaines affaires qui s'appellent l'Amphithéâtre de Québec. Oui, ça a aidé, ça. Et puis là, bang, en 2012, je pense que c'était au mois de mai ou de juin, on était déjà rendu à 10 000. Fait que ça va pas si mal que ça. Non, c'est vrai que ça va pas si mal que ça en tant que membre. Quand on calcule le nombre de membres, c'est vrai. Cela dit, voulez me faire dire que ça va très mal à Québec solidaire. Ah, mais vous pouvez le dire. Non, mais vous avez même pas besoin de le dire. Je l'ai dit. On lit les journaux, on le sait que ça va pas bien à Québec solidaire. Il n'y a pas de problème là. Mais on se demande si cette baisse en popularité-là n'a pas un lien à voir avec aussi cette crise. Vous avez pris position. Bien sûr. On vous a vu manifester, cautionner la désobéissance civile. On vous a vu menotter. Oui. Est-ce que vous Mais ça, je ne l'ai pas voulu. J'ai même dit au monsieur le policier. Ouais. Écoutez, vous ne le vouliez pas spécial. C'est peut-être pas bien. Êtes-vous sûr? Avez-vous vérifié avec vos supérieurs que c'est une bonne idée de mettre des menottes à Mais un vous n'étiez pas à bonne place, peut-être. Peut-être. Non, le monsieur non, était très... Ça, là. Lui était assez courtois. C'est l'autre en arrière, là, masqué, puis avec son bon fusil. Bon cop, bad cop, tout le temps. Oui, il y avait un bon... Ça, moi, je parlais au bon cop, puis il me disait, non, on a vérifié, c'est correct, M. Kadir, on va vous mettre les menottes. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que vous êtes allé trop loin? En tant qu'élu, est-ce que vous êtes allé trop loin? Non, on n'a pas marché trop loin. On est parti... On est parti de l'Assemblée nationale. Mais là, venez pas dire que c'est nous qui faisons un show avec ce que vous faites, là. Quand même. Non, mais sérieusement, je m'en allais chez nous. Oui. En bicyclette ce soir-là. Oui. J'avais eu le courage de le monter jusqu'en haut. Oui. Fait que là, j'ai entendu des casseroles devant l'Assemblée. Fait que je me suis dirigé. Les casseroles et moi, tu sais. Oui, c'est comme un aimant. J'ai appris ça à la maison. On comprend ça, ben oui. Alors, je suis allé. Non, mais sérieusement, on est allé là. Puis là, les gens sont mis à marcher. Je les ai suivis. Puis c'était à peine, je pense, 1,5 km, puis on s'est fait arrêter. Bon, évidemment, vous étiez... votre carré rouge n'est pas... vous n'avez pas votre carré rouge? Non, mais c'est fâchant, c'est parce que je l'ai dans le front, moi. J'ai... Ah oui? Oui, d'accord. J'ai comme étampé dans le front, je pense pas que j'ai... Ah, normalement, c'est un petit cercle rouge. C'est pour ça la comparaison avec Gandhi. Ah, ben là, je viens d'allumer. Oui, voilà. Amir Kadir, cela dit, les manifestations se sont un peu calmées, on entend un peu moins de casseroles. Après avoir digéré tous ces derniers événements, si on vous demandait de donner des notes, si on vous demandait de donner une note aux policiers, aux étudiants et au gouvernement, qu'est-ce que ça serait? C'est dur parce qu'ils ne sont pas tous pareils. C'est comme dans une classe. Je ne peux pas donner la même note à tous les étudiants. Non, mais avec la réforme, Non, mais moi, je ne suis pas dans la réforme. Bon. OK, d'accord. Mais c'est, plus sérieusement, au gouvernement, un gros moins 78. Bon, ça, on s'en attendait. Vous en doutiez. Ben oui, c'est sûr. Les policiers, c'est un peu zéro. Parce qu'ils ont quand même bien agi, les policiers. Hein? Avec l'application de la loi 78, tout le monde a pu manifester. Oui, c'est vrai que ça a eu... Bon, à part une couple qui se sont fait mettre les menottes, mais ça, c'est des... Non, mais en fait, c'est partagé, parce que la direction a mal jugé certaines affaires. Ils ont des fois demandé d'y aller un peu trop fort, puis ça n'a pas été sans conséquence. Il y a des gens, quand même, je le rappelle, sur une note sérieuse, qui ont perdu un œil, deux jeunes. Oui. Une autre qui a eu la mâchoire fracassée. Mais on a vu quand même que dans bien des places, ils ont fait preuve de bon jugement. Donc, c'est zéro pour certains. C'est-tu des notes sur 20 ou sur 100? Non, un C, comme un il C. passe. Il passe quand il même. Il passe, oui, oui. Ben non, c'est un note important. Ben oui. Puis, puis pour les étudiants, A, 22. Ben, on est surpris de ça. On est bien surpris de ça. On s'en va en campagne électorale. C'est le sentiment qui nous habite bien, aussi. Hein? Ben oui, ça sonne comme ça. D'ailleurs, on parlait justement aujourd'hui de Pierre Duchesne, qui est un ex-collègue à moi, votre nouveau collègue. Il porte une barbe comme vous, d'ailleurs. Oui, non, j'essaie de l'imiter. Non, c'est pas vrai. Si on est à Radio-Canada, vous savez comment se casser. La barbe est obligatoire. Ouais, non. Mais le Parti libéral du Québec vient de porter plainte pour manque d'éthique envers Pierre Duchesne. Vous non. en pensez quoi? Non, vous? Non, non, non. Ça, c'est... Ben, je pense que tout le monde connaissait déjà les sympathies de Pierre Duchesne pour le Parti québécois à travers Jacques Parizeau. Je pense qu'il devait assez le fasciner pour écrire deux gros volumes sur Jacques Parizeau. Et je pense que c'était très mérité. C'est sûr que de notre côté, on n'a jamais vu beaucoup d'ouverture ou d'intérêt de sa part pour ce que fait Québec solidaire. Je le dis très franchement, parce que des fois, j'étais un peu frustré. Je comprends mieux maintenant. Mais, mais ce qui est certain... On comprend tous mieux maintenant. Yeah, mais ce qui est certain, c'est qu'on a le droit. Je veux dire, on peut être aujourd'hui médecin, demain politicien et vice-versa. Mais ce n'est pas la même chose. Mais quand même, on en a eu d'autres. Il y a Gérard Deltel, il y a Bernard Drinville. Oui. Du côté des libéraux, il y en a-tu? Ben, Christine Saint-Pierre. Ah oui, Madame Saint-Pierre, oui, OK. On oublie vite, hein? On oublie ben parfois, oui. j'aurais mis... Bon, en tout cas, sans commentaire, mais la réalité, c'est que je pense qu'il faut s'autoriser ça. Il faut avoir cette liberté s'il fallait... Bon, peut-être un petit temps, je dirais... Un buffer. Oui, un purgatoire. Parce exact, peut-être. Il existe, de politicien à journaliste, il y a un certain purgatoire. Ben, à Radio-Canada, en tout cas. Oui. On pourrait avoir la même chose à l'inverse. Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas. Mais lui, il y en a eu un quand même, je pense, de 72 heures. C'est pas rien. On s'en va donc en campagne électorale très, très bientôt. Et je me demandais, Amir Kadir est prêt pour la campagne électorale? Nous, notre gang est mieux préparé que jamais. Votre gang de 1, ça va bien? Notre gang tous ensemble. OK, correct. Il retient pas vite. Hein? J'ai passé mon message non, 10 000 membres, mais il n'y a pas rien. Ben oui. Non, on a une équipe. Françoise, je pense, cette fois-ci, va passer. J'espère, en tout cas, elle mène une campagne déjà depuis plus de 2 ans, très organisée dans son comté. Puis on va essayer d'aller chercher 4 ou 5 autres comtés à Montréal et ailleurs au Québec. Dépendamment de comment nos affaires marchent, là, mais bon. Et justement, dernière question. Là. On a entendu des candidats vedettes un peu partout, surtout le Parti québécois avec Pierre Duchesne, et on attend incessamment l'annonce de Jean-François Lisée. À Québec solidaire, est-ce que vous allez avoir une annonce comme ça? C'est difficile avec nous, parce qu'on n'a pas de comté sûr à offrir à qui non, que ce ça, soit. C'est clair. Ça, c'est un gros problème. Il y a des gens très intéressants. Ben, le vôtre, hein? Le vôtre est assez... Mais je l'ai facile. Proposé. Non, oui, je vous le dis. Et puis les gens l'ont pris pour une blague. Fait que je vous le raconter ici. Peut-être que vous allez prendre. Moi, j'ai dit, je laisse ma place dans Mercier, où on a déjà des acquis. C'est plus facile. Ben, c'est ça. À une personnalité connue qui voudrait venir avec nous. Puis je m'en vais faire campagne à Sherbrooke contre Jean Charest. Ben, ça me semble bon. Ou juste à côté, Outremont. Outremont, ben oui, M. Bachand. Ça n'a pas marché. Non. Je sais pas pourquoi. Non. Ben, travaillez fort, à mon avis. Le petit Gabriel Nadeau-Dubois, ça irait bien chez vous, ça. Mais eux autres, ils sont très méfiants par rapport à nous autres. On a beaucoup de... Ça va être ils sont méfiants, ils sont méfiants. Ça va être plus facile ils sont méfiants comme tout le monde. Je pense que ça va être plus facile de convaincre Gilbert Rozon avec Québec solidaire, parce que lui, il paye ses impôts, que Gabriel Nadeau-Dubois, parce que la classe se méfie de la classe politique. Regardez ça, on va le recevoir dans quelques minutes. Vous Gabriel? De convaincre. Ben non, pas Gabriel, Gilbert. Ah, Gilbert, tout à fait. Mais vous restez avec nous. Vous êtes toujours à l'écoute de La Soirée est encore jeune, en compagnie d'Amir Kadir, et on va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard, notre reporter terrain qui n'a peur de rien. Vous vous souvenez, la semaine dernière, il était à Laval avec une astrologue qui a prédit l'avenir de nos deux invités de cette semaine-là, qui étaient Denis Coderre, évidemment. Et le deuxième invité, c'était qui? Est-ce qu'on s'en souvient? Luc Ferrandez. Est-ce que vous connaissez Luc Ferrandez? Attends, je vais réfléchir. D'accord. Il est le maire de mon arrondissement. Comment pourrais-je? Et là, cette semaine, Jean-Sébastien, il est où? Vous êtes où, Jean-Sébastien? Bonjour Jean-Philippe, je suis présentement à Bécancour, tout près de Trois-Rivières, à peu près à 2 heures de Montréal, et je me trouve dans un ranch avec des chevaux. Pourquoi Jean-Philippe? Parce que vous le savez, aujourd'hui s'ouvre le 100e Stampede de Calgary. Oh. Alors pour l'occasion, Radio-Canada diffusait hier quelques reportages sur la vie trépidante des cow-boys, et je me disais, ça semble être une vie intéressante, romanesque, est-ce que le bonheur ne serait pas dans la vie de cow-boy? Alors je me donne une heure aujourd'hui pour devenir cow-boy, pour évaluer si ça m'intéresse. Ouais. Alors, pour m'enseigner les rudiments de la vie de garçon vache, je me trouve avec le cow-boy et propriétaire de la ferme Joie le Vert. Donc, c'est le cow-boy qui est cow-boy depuis à peu près toujours. Bonjour, cow-boy. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, si vous voulez, on va se prêter un petit jeu, histoire de voir si je comprends bien ce qu'est un cow-boy. Alors, je vous apporte ici des photos de trois personnalités publiques et populaires. Vous allez me dire si, d'après vous, ces personnalités-là seraient de bons cow-boys. Alors, tout d'abord, ici, vous avez une photo de Jean-Philippe Bosky. Selon vous, ça serait un bon cow-boy? Ben, moi, je pense qu'en ce qui concerne rassembler le troupeau, étant donné qu'il est sûrement assez rapide pour rassembler ses idées et répliquer rapidement à la radio, je pense qu'il serait effectivement un bon cow-boy. Yes. Yes. Deuxième photo ici, on a la photo de Amir Kadir, qui est un député qui se rend pour Martin Luther King. Vous en pensez quoi comme cow-boy? Ben, M. Kadir, quand même, a affaire à prendre le taureau par les cornes, qui, un peu comme les cow-boys, il travaille de façon très solitaire. Il est bon, mon Dieu. Excellent. Et on a ici, finalement, Gilbert Ozon, qu'on va recevoir un peu plus tard à l'émission, qui est président de Juste pour rire et qui se prend pour un politicien et pour Belgazou aussi, hein, comme on voit sur la photo avec ses cheveux. Vous en pensez quoi de lui comme cow-boy? Ben, M. Ozon, on l'a vu dernièrement, est capable quand même de contrôler des troupes. Hein? Il est capable de les diriger dans la bonne direction. Dans ce sens-là, je pense que... il ferait aussi un excellent cow-boy. Alors, on a trois bons cow-boys ici en perspective. C'est excellent, c'est une bonne nouvelle. Alors là, vous allez maintenant me montrer comment enfourcher un cheval. Alors, on fait ça et je vous retrouve un petit peu plus tard, Jean-Philippe. Hey, bonne chance, hein? Hey, merci beaucoup! Colin, vous remercierez M. Giles. Absolument. Eh bien, pour nous parler des vraies choses, comme un homme, un vrai, hein, un vrai cow-boy, ouais. C'est le moment de Fred Savard qui nous parle cette semaine de Gilbert Boson. Non, non, attention, attention. Je parle bien du boson de Higgs, hein, okay. Qu'on retrouve dans un accélérateur de particules, alors que Gilbert Boson, on le retrouve dans un accélérateur de subventions. Alors, on n'a pas... OK, d'accord. On n'a pas mélangé. Donc, ce soir, je vais tenter de vulgariser le fameux boson de Higgs, hein, afin de comprendre comment cette découverte changera nos vies et permettra d'expliquer bien des choses dans des domaines aussi concrets que la politique, par exemple. Et je suis content de le faire devant Amir Kadir, hein, qui est non seulement un expert de la politique, mais également un expert en physique. Vous avez une maîtrise en physique? Oui. Ben oui. Donc, n'hésitez pas à mettre votre grain de sel scientifique, là, mais juste attendre après l'émission pour pas que j'ai l'air d'un imbécile. Alors, la découverte du boson de Higgs va changer nos vies puisqu'il s'agit, dixit Wikipédia, du progrès le plus considérable dans la compréhension de la structure fondamentale de notre univers depuis l'élaboration du modèle standard dans les années 70. Bon, je pense que le Dr Kadir sera d'accord avec moi. On ne va pas s'étendre sur le modèle standard. Hein. On le connaît tous très bien. Ah, là, je vois Gilbert Ozon qui nous écoute du fond du studio et qui semble dubitatif. Hein, n'est peut-être pas familier avec le concept. On va le résumer. Donc, dans les années 60, on ne comprenait pas comment interagissait l'ensemble des particules qui formaient la matière, surtout dans le domaine du nucléaire. Hein. On savait depuis Hiroshima qu'elle pouvait faire fondre les masses, mais on ne comprenait pas comment elle pouvait avoir une masse. Pour se mettre dans l'état d'esprit de l'époque, là, faites l'exercice suivant. Lisez le programme de la CAQ et posez-vous la question suivante. D'où vient la masse? D'où vient la substance? Mystère. Alors, c'est donc grâce au modèle standard que nous avons pu définir les quatre forces fondamentales de l'univers, c'est-à-dire la force de gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la forte, comme on la pratique à la Sûreté du Québec. Et partant de là, on a pu établir trois nouvelles théories, hein, l'électrodynamique quantique, la chromodynamique quantique et la théorie électrofaible. Il est à noter que c'est cette dernière théorie qui a servi d'inspiration pour maintenir les tarifs d'Hydro-Québec les plus bas possibles. Ce modèle a surtout permis de comprendre un peu plus comment fonctionne l'atome. Bon, là, il y a plusieurs sortes d'atomes. Ah ouais, ouais. Bon, il y a le 2A, le 2B, le 2C. Oui. Mais nous nous en tiendrons à l'atome tout court, hein, celui qui possède un noyau un peu comme une prune. Hein. Ouais. Dans ce noyau, il y a un électron qui, lui, contient des neutrons et des protons. Okay. Méfiez-vous des publicités trompeuses des yogourts probiotiques. Hein. Les protons ne causent pas d'irritation intestinale, c'est la prune au complet le problème. Alors, à l'intérieur des protons, on retrouve trois quarks, des particules élémentaires. On ne s'expliquait toujours pas l'origine de leur masse. Il était donc impossible de comprendre les origines de l'univers et pourquoi nous étions passés d'un magma informe à la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est à noter qu'au Québec, c'est comme l'inverse qui se passe. Hein. On retourne au magma informe. La découverte de cette semaine vient prouver l'hypothèse de Patrick Higgs, qui en 64 estimait que si les particules élémentaires ont une masse, c'est parce qu'elles sont ralenties par un nuage dans l'atome, une espèce de jello qui contiendrait une nouvelle sorte de particules qui pognent à tapons autour des grosses particules élémentaires et qui leur confèrent une masse. Bon, pour bien comprendre, utilisons un exemple simple et transportons-nous dans un cocktail de financement du Parti libéral. Ouais. Admettons que les ministres libéraux et Jean Charest sont des quarks. Okay. Comment font-ils pour avoir une masse? Eh bien, c'est en ayant une interaction avec les gens présents au cocktail. Ah. Alors, lorsque les ministres quittent le cocktail, ils doivent se déplacer dans une espèce de nuage de notables, d'hommes d'affaires, des ingénieurs conseils, des entrepreneurs en construction, construction. C'est le tapon que je parlais tantôt. Donc, c'est ce tapon qui donne une masse aux quarks libéraux et c'est une maudite grosse masse. Les donateurs libéraux sont donc en quelque sorte des bosons, alors que les contribuables sont les bozos. Alors voilà sûrement pourquoi Québec solidaire n'a pas une aussi grosse masse que le PLQ. C'est parce que vous ne fréquentez pas les bons bosons. Cher docteur Kadir, alors j'espère que j'ai un cours aussi lumineux. Voilà, sur, le modèle standard. Merci. Ah, ben là, c'est beaucoup plus simple qu'on pensait quand même. Hein? C'est très simple. Je suis emballé en tout cas. Ouais, ben moi, non, moi aussi. Après la publicité, ben, le gouvernement du Québec voudrait s'adresser maintenant aux enfants afin de rendre l'amiante encore plus amusante. Les enfants pourront ensuite le dire à leurs parents à quel point c'est le fun de jouer avec l'amiante. Ben hein? Oui, c'est le fun. On écoute d'ailleurs un extrait de la future émission Jeffrey l'exportateur. Qu'est-ce que tu fais, Jeffrey? What do you do, dude? Je manipule de l'amiante! I'm manipulating the people! Pourquoi, Jeffrey? Why, dude? Pour aider mon papa! Il est mineur! To help my father! Ah, vas-tu arrêter de parler en anglais? Anyway, ça s'en va tout en Inde, cette amiante-là. Y'a raison, Gougoune! Fait que tu manipules de l'amiante! Ah! C'est pour ça que tu as de grosses mitaines! Oui! Pour ne pas pogner le cancer des doigts! Mais elles sont faites en quoi, tes mitaines? Aucune idée, Gougoune! Elles sont faites en amiante! Ah! C'est pour ça que je tousse déjà du pouce! Merci, amiante! Thumbs up, amiant! Oh, les enfants vont capoter! Je pense que oui! J'ai assez hâte de voir le premier épisode. C'est le moment d'aller retrouver Jean-Sébastien Girard qui devait chevaucher un cheval. On va voir où est-ce qu'il en est rendu. Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Philippe. Eh bien, j'ai chevauché. Je suis présentement sur un cheval. Comment s'appelle ce cheval, Cowboy Trials? Il s'appelle Merlin. Bonjour Merlin. C'est là. Ben, écoutez, je peux pas dire que je me sens très, très, très confortable, mais je peux pas m'empêcher, quand je suis assis sur un cheval, de penser à cette citation de Ronald Reagan, qui a affirmé, parce qu'il était lui-même un peu cowboy, il a affirmé le 12 août 1987, « J'ai toujours dit qu'il n'y avait rien de meilleur pour un homme que d'être assis sur un cheval. » Est-ce que c'est vrai? Tellement bien sur un cheval, parce que tout s'offre à vous. Vous n'avez même pas à imaginer de faire un pas. Vous avez juste à laisser aller et apparaître la nature devant vous. Et tout va se faire tout seul parce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit pour le terrain. C'est plein de poésie, tout ça, comme on le gèse, mais on parle de tantôt, depuis tantôt, de la grandeur et des beautés de ce travail-là. Mais il paraît que c'est pas toujours aussi facile. Hein? Il y a la grande Julie Darèche qui a écrit une chanson qui s'appelle « Les Cowboys du Québec ». Elle dit ceci, « La vie est dure pour les Cowboys du Québec. Une job par-ci, par-là, c'est pas comme aux États. » Swing la baquette dans le fond de la boîte à bas. Là-bas, il y a des gros ranchs, des gros chevaux, des grosses vaches. Je te dis qu'ici, on en arrache. Est-ce que c'est vrai qu'on en arrache ici? Est-ce que c'est un métier difficile? C'est un métier difficile, mais c'est pas plus facile pour les gens des États-Unis qu'ici. Il faut pas avoir peur d'être fatigué, comme je le disais tantôt. Il faut pas avoir peur aussi de finir avec quelques égratignures, peut-être même des plaies. Vous avez beaucoup de plaies. J'ai quelques cicatrices ici et là. Bon, vous me dites aussi que vous êtes un artiste country western, donc qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, c'est sûr que je fais de la musique pour faire de l'animation en fin de journée. Parfait. Est-ce que vous voulez m'apprendre à jouer un petit peu de guitare, à chanter western, et à la fin de l'émission, je pourrais peut-être faire une chanson? Ben, ça pourrait être utile, puis ça va faire oublier justement les plaies puis les douleurs. Excellent. Alors, allez me chercher votre guitare et votre une babine. Je vous reviens dans quelques minutes, Jean-Philippe, avec une chanson. À quel point on a hâte, vous le savez pas, Jean-Sébastien. Je le sais, je le sais. Merci. Merci. Fred, notre deuxième invité. Fondateur du Just for Laugh Festival et accessoirement du Festival Juste pour rire. Il amuse les Québécois depuis 30 ans, mais moins depuis la loi 78. Accueillons Gilbert Rozon. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, une bière, Monsieur Rozon. Ah, avec joie. Ben oui, tout à fait. Non, c'est pas une bière à la lime, là, ni au mojito, c'est une bière blonde de chez Boréal. Merci beaucoup. Monsieur... pardon? Une petite pub? Ah non, pas du tout, jamais, on ferait jamais ça ici. Sachez non, mais c'est la forêt boréale, là. On est un ben amateur oui, de ça. Camping. Merci Fred, quand j'aurai besoin d'aide plus tard, je ferai signe. Beaucoup plus tard, après l'émission. Mais honnêtement, si une cigarette, c'est le temps. OK, good. Dirozon, premièrement, vous fêtez, et ça commence aujourd'hui, là, les 30 ans du festival Juste pour rire, qui a été fondé d'ailleurs un 14 juillet. C'est vrai? Oui, mais c'est ça, on regardait dans notre. D'ailleurs, 14 juillet, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de Français dans vos festivals, d'ailleurs. Ben oui. Mais je le sais, j'ai des racines françaises. Non, mais après 30 on ans. Là, toutes. C'est vrai? Oui, ah, mais c'est... Pas tous. Monsieur Cadier. Ouais, il y a dit toutes. Il y a dit toutes. En plus, il y a dit toutes. On a, ouais, tout, ben ouais. On a toutes des racines françaises. Hein? D'un beau français on du Québec. Ben... Ah, monsieur Ozon. Est-ce que toi, là? On peut parler de même. Est-ce que t'es né? Après 30 ans, là, est-ce qu'on peut dire que le Québec a le sens de l'humour? Ben là, oui, là, je crois, j'espère. Vous, vous pensez pas ça? Ben, on se pose la question, parce que les derniers mois, et surtout les dernières semaines, ça a quand même causé... Ah, peut-être, vous avez un bon point. Je peut-être sais. Que les gens perdus, ouais, j'aurais dû y penser avant. C'est mais maudit, hein? Non, mais effectivement, peut-être qu'on perd parfois notre sens de l'humour, ce qui est dommage. Moi, le premier, d'ailleurs, j'aime pas ça quand je perds mon sens de l'humour. On le perd comment, le sens de l'humour de Gilbert Ozon? Quand on se prend trop sérieux. C'est vrai? Ah, oui, ça arrive. Qui s'est pris trop sérieux dans la salle? Plus, je pointe pas à Amir Kadir, là, évidemment. Mais qui se serait trop pris au sérieux dans la salle? Un clown qui se prend trop sérieux. C'est une joke, on se fait des... Ben non, on s'amuse, on s'amuse, là, on est entre amis, on est de fun, on est de fun. Cela dit, c'est votre 30e édition au festival Juste pour rire. Il y a plusieurs nouveautés et il y a une nouveauté intéressante. En fait, Zoufest? Pardon? Zoufest? Ben, il y a Zoufest qui se déroule en ce moment, d'ailleurs, c'est pour les humoristes émergents. Oui, c'est aussi d'être plus ouvert, de faire un truc qui est plus ouvert, qui est plus éclectique, pas juste de l'humour, de la chanson, n'importe quoi. J'avais envie d'ouvrir... Du divertissement. Oui, l'an prochain, on va créer un mondial du jeu. Ça va être ouvert sur les formes de jeux vidéo. Tout ce qui est ludique. N'importe quel... Ton bonheur, c'est mon bonheur. Justement, cette année, c'est axé beaucoup sur la nourriture aussi. Oui, ça, j'en avais très envie. En réalité, la ligne éditoriale, c'est qu'est-ce qui donne du bonheur aux gens. Alors, si c'est de bouffer ensemble ou de, mm-hmm. ou de danser ou de chanter... Ou de lancer jouer. Des souliers. Ou... Ah ben là, c'est non, il y a plein de façons. C'est une possibilité. Il y a plein de façons. Cela dit, une des nouveautés que j'ai notées... Ça serait Juice for Laugh? Eh bon, non, c'est pas... Non, je comprends pourquoi vous êtes dans l'humour. Je comprends. Oh boy, ça, mais ça, une des nouveautés... Monsieur Roson, une des nouveautés intéressantes, c'est... Merci de me flatter. Le prix des billets a drastiquement baissé. Vous avez déclaré d'ailleurs ce matin dans les journaux parce que vous voulez avoir du vrai monde dans la salle. Oui, parce qu'il y a un moment, c'est tellement cher organiser ça. C'est des énormes productions. Ouais. Et je suis allé un jour à la billetterie, j'ai fait mon téléphoner, c'est recevoir les appels. Et là, j'ai eu un choc de réaliser à quel point une personne qui vient à un festival, combien ça lui coûte. Alors, j'ai dit, il faut trouver une autre formule. Donc, on a créé un passeport, on a augmenté le nombre de shows, on a parié sur le volume, et puis j'espère que ça va avoir l'effet. Enfin, moi, je suis très fier de faire ça. Ça me fait plaisir parce que c'est très important, je l'ai beaucoup dit dans les dernières semaines, que ça soit démocratique. Ah, d'accord. Que ça soit ouvert au monde. Justement, mais c'est qui ça, le vrai monde? Parce qu'on entend souvent cette expression-là, le vrai monde. On veut avoir du vrai monde. Très honnêtement, la classe moyenne, il faut qu'elle soit capable de sortir. Mm-hmm. Quand tu as une maison, tu as des enfants à l'école, tu as les habillés, il y a un moment donné, tu as besoin de t'évader. Si c'est trop cher, je parle des loisirs en général, on a tous une responsabilité de faire un travail là-dessus. Alors moi, je fais ce que je peux à mon humble échelle et à mon humble niveau plutôt. Mais c'est, pour moi, c'est très important. Parce que les riches, ça n'a aucune importance, le prix. Et les pauvres, on essaie de trouver des formules. Mais la classe moyenne, c'est celle qui est la plus écrasée actuellement. Ouais. S'il y a un truc qui vraiment me préoccupe au niveau sociétal, c'est ça. Ben, vous irez faire un tour au Centre Molson, au Centre Bell, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros travail à faire là-bas. Il y a beaucoup d'argent noir là-bas, hein? Faut comprendre ça. Ah oui? Ben oui, les entrepreneurs de construction arrivent, ils payent... Ah, dites pas des choses comme ça, c'est même pas été prouvé encore. Gilbert Ozon... Je parle contracteur en général. Ah, OK, d'accord. J'ai regardé votre CV, vous avez été fossoyeur, vendeur, imprimeur, organisateur de spectacles, éditeur de bottins téléphoniques, une job qui a de l'avenir, ça. Il y a 30 ans. Ouais, quand même. Vous avez touché à l'immobilier, vous avez étudié le droit à l'Université de Montréal, mais je vois nulle part l'humour là-dedans. Ben peut-être qu'il y avait un lien, parce que Fossoyeur, sincèrement, ça doit être drôle. Vraiment un lien. Pour faire tout ça puis de passer de l'un à l'autre, il faut avoir de l'humour, non? je pense que oui, dans le fond. Mais Fossoyeur, c'était vraiment un job, je pourrais en parler des heures. Tu as tellement peur, parce que je creusais la nuit, moi, là, dans un petit cimetière en province, et tout à coup, je tombais sur des ossements, un crâne. La nuit? Il était 10-11 heures le soir, la pleine lune, et j'avais un crâne. Puis et des fois, il arrivait quelqu'un qui me tapait sur l'épaule, qui venait voir l'avancement des travaux à 11 heures la nuit. Alors, c'est vrai que la peur et l'humour, il y a un lien pour moi, je ne peux pas l'expliquer. Et ça a commencé là, mais mon père était un homme très taquin. Et sincèrement, je fais un effort tous les jours pour essayer de rire un peu, puis parce que, comme tout le monde, je prends ça au sérieux. La vie, il y a de la pression. Puis justement, le manque de rire, est-ce que c'est ce qui vous a convaincu de ne pas vous présenter à la mairie de Montréal? Parce que j'ai l'impression que plus l'élection approche, plus la mairie s'éloigne. Je me trompe? Oh, j'ai décidé de ne pas y aller pour la simple raison que... D'abord, c'est un métier d'aller en politique. Mm-hmm. Moi, j'ai des opinions, j'ai des points de vue. J'ai envie de m'impliquer. J'ai travaillé sur le tourisme au Québec. Je vais travailler pour quelque chose à Montréal, ouais, pour les 5 prochaines années. Je vais l'annoncer bientôt. Mais j'ai pas... je me dis, être maire, c'est un job à plein temps. Il faudrait que je laisse juste pour rire. Tout ça, ça me paraît très compliqué. Parce que si vous avez mais fait... Mais j'aimerais servir. Mais c'est ça, mais c'est j'adorerais ça. Mais parce que faire, si vous en avez parlé... C'est ça très noble comme métier, la politique. Vous avez dit de Montréal que Montréal est en train de souffrir à quelque part, hein, que Montréal va pas non, très, là, très bien. Je commence sincèrement pas d'espoir pour Montréal. Ah, c'est je vrai? Trouve qu'il y a un retour. Évidemment, là, on dirait que c'est comme les derniers clous dans le cercueil qu'on essaie de planter, mais je trouve que quand même, toute la restauration qui est en train de se faire, vous savez, quand vous rénovez un appartement, c'est dur. Puis on crie, puis on est en maudit. Mais quand c'est fait, on est content. Puis c'est un peu ce qui est en train de se passer à Montréal. Moi, j'ai confiance, j'ai espoir, j'aime ma ville, je l'adore même, et j'ai envie de travailler. Et on avait Denis Coderre la semaine dernière qui veut peut-être se présenter à la mairie de Montréal. Je pense même qu'il veut beaucoup, oui. Oui, oui, il veut pas mal. Ça sent très fort. On pense quoi? C'est très drôle, cette émission-là. J'ai adoré aussi. M. Fernandez m'a fait beaucoup rire. Oui, oui. J'avais un préjugé, mais j'avoue, il m'a fait rire. C'est vrai? Ah, oui. M. Fernandez, d'ailleurs. Oui, ben, vous avez un préjugé sur son nom, parce que vous avez ajouté un N. Il est fabuleux. Cela dit, là, on a... C'est un mot qui me serait pas venu à l'esprit. Il est très drôle, en plus. Il y a Boréal, il est fabuleux. Mais là, on a Amir Kadir et Gilbert Rozon assis ensemble. Il y a plusieurs choses qui vous rapprochent. D'ailleurs, vous avez des beaucoup, problèmes avec... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez des problèmes avec vos sœurs en ce moment. Cela dit, vous êtes des poids lourds de l'opinion et vous avez utilisé amplement Twitter pour l'exprimer. Là, vous êtes ici. Il y a eu la crise étudiante, évidemment, qui vous a énormément rapproché. Vous avez été dans chacun des spectres. Évidemment. Oui. Rapproché sur une ligne, mais qui s'étend. C'est sur la même ligne, oui, mais loin. Mais là, on a plus que 140 caractères. Là. Supposons que M. Rozon devait expliquer sa position à M. Kadir. Comment il le ferait? Moi? Oui! Ah, mon Dieu, je l'ai tellement dit de toutes les façons. Mais visiblement, M. Kadir vous a pas lu. Vous avez... Oh, mon Dieu, je suis sûr. Pour l'essentiel, il est en prison la plupart du temps. La ligne de M. Dumas, là-bas, était très drôle. Quand tu as dit, s'il avait fait 5 minutes de prison, il se prendrait pour Nelson Mandela. Ça m'a fait beaucoup faire. Je dois dire qu'il était drôle. C'est M. Dumas, là-bas, il a dit... Le petit monsieur, là. Merci, mon Dieu, qu'il n'avait pas mis 5 minutes en prison. Ça, j'avoue que j'ai trouvé ça drôle. Oui, lui, il sait de quoi il parle. Là, on a presque plus de temps avec M. Rozon et avec M. Kadir. C'est dommage, mais on va continuer ça après l'émission. On va se prendre une petite bière en gang. Là, ça va être le fun. Parce qu'on a beaucoup de sujets à discuter encore. On aurait aimé ça parler de la francophonie. Puis je vois que M. Kadir a quelque chose à dire. Je pense des 140 caractères. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait maintenant, là? Ah, vous pouvez le faire plus tard. OK, plus tard. Alors, il y a de la bière en masse. Il n'y a pas de problème. Hey, Fred, oui. Présente-nous notre prochain chroniqueur. Il effeuille les journaux pour mettre l'actualité à nu. C'est donc le Lily Saint-Cyr de la revue de presse. Voici le billet d'Olivier Niquette. Oh, merci. Lily Saint-Cyr. Lily. Oui, oui, oui. L'actualité. Une effeuilleuse d'époque. Oui, oui, on parle. Et ça fait longtemps, là. Je suis honoré. C'est avant Gilda. Oh boy! Okay. L'actualité n'a pas dérougi cette semaine. Et encore une fois, j'étais aux premières loges pour voir l'histoire s'écrire sous mes yeux. Oui, oui, la fin de semaine dernière, j'étais à Alma alors que Rio Tinto Alcan en venait à une entente de principe avec ses employés. OK, ça donnait que j'étais là aussi pour le 60e anniversaire de mariage de mes grands-parents, mais ça fait partie des qualités du journaliste d'enquête que d'être au bon endroit au bon moment. J'ai donc pu voir de mes yeux voir les locatés de Rio Tinto manger leur beignes aux bleuets tout en piquetant sous la pluie. La belle vie, comme dirait Richard Martineau. Mais sérieusement, là, si j'avais voulu connaître leurs conditions de travail, là, j'aurais pu descendre de voiture puis leur bander direct d'en face. Mais pourquoi m'abaisser à ça quand Jeff Fillion me met la désinformation tout cuit dans le bec? J'entendais les gens de l'Alcan, Rio Tinto Alma. Ils veulent continuer à avoir un secondaire 3 puis avoir des jobs à 110 000 par année puis à travailler sur leurs 36 heures, à travailler à peu près 15 heures, pour vrai. Hey, ça ressemble à votre horaire de travail, ça, Fred? Oui. Hein? En tout cas, c'est vrai, se retrouver là, dans le feu de l'action, de l'actualité, là, ça épuise. Fait que mardi, j'ai pris ça un petit peu plus relax, me suis fait un petit popcorn, puis j'ai regardé la vidéo d'Éric Duhaime qui, sur Sun News, s'inquiétait pour les familles des militaires ridiculisés par le groupe Manu Militari. They're even showing murders of Canadian soldiers. I mean, it goes very, very, very far. And I'm sure that those families don't find it very funny and don't think that it's, they should dance on that rap music at all. So, and they shouldn't certainly not fund it. Or, Simon Jodoin du journal Voir, ou de ce qui en reste, nous rappelait que le même Duhaime avait été le plus ardent défenseur de la diffusion des images du meurtre de Lin Jun, décapité par un Luca Rocco Magnotta, qui est allé lui aussi very, very, very, very far, comme on dit. Il faut se garder une pudeur pour les familles des victimes. Cela étant dit, l'étudiant chinois qui a été victime de ce crime-là, sa famille, il n'y a pas de famille ici, là. Si j'en crois Éric Duhaime, là, on serait fou de se priver d'un film gore sino-canadien qui n'a pas coûté une scène aux contribuables. Prends des notes, Xavier Dolan, prends des notes. D'autre part, si vous avez trouvé des articles un peu bizarres là, dans votre journal de Montréal récemment, là, dans le genre éleveur de vers de terre en furie, comme ce matin, ou dompteur de sauterelles en extase, c'est peut-être qu'il a été rédigé par un Philippin. Oui, oui, mercredi, j'ai écouté un reportage sur une entreprise américaine qui sous-traite la rédaction d'articles journalistiques à des Philippins sous-payés et à des algorithmes informatiques programmés par des Philippins sous-payés. Et d'ailleurs, là, l'agence QMI, ils sont pas aux Philippines, hein? En tout cas, on m'assure que ce n'est pas un Philippin qui a rédigé la une raturée du Devoir de mercredi. Là, ce serait plutôt un enfant de 8 ans qui en a fumé du bon. Et justement, aujourd'hui, vendredi, j'ai décidé de ne pas m'enrouler un petit avant l'émission. Là, c'est parce que ça me fait paranoïer, ça me donne comme des palpitations cardiaques. Là. En tout cas, selon un sondage dévoilé hier, 66 % des Canadiens sont pour la légalisation du cannabis. 66 % de personnes, et j'en vois quelques-unes ici au regard embué, là, qui ne réalisent pas les méfaits de la maudite drogue qui tue nos jeunes de 8 ans, comme l'explique le sénateur Boisvenu. C'est des hommes de 25-30 ans qui se ramassent avec des petits gars de 16 ans. Mmh. Ils lui font pousser 5, 6, 10 plants de potes chez eux, puis ils vont vendre ça à des mineurs de 8, 9, 10 ans. C'est maintenant ça, le commerce des potes. Ah, c'est maintenant ça, le commerce du Sénat. Des bonhommes de 118 ans qui se présentent 5-6 fois par année puis qui votent 2-3 lois pour une société dont ils sont totalement déconnectés. Hey, c'est presque pire que de travailler pour Alcan, ça, hein? J'avoue. Merci beaucoup, hein? Olivier. Merci. Toujours dans l'objectif de donner une nouvelle image à l'amiante auprès de l'opinion publique, paraît-il que le gouvernement financerait un long métrage librement inspiré d'une histoire d'amour de Gabriel Garcia Marquez. Le monde aime ça, les films d'amour. Ben oui. On écoute. C'est une histoire d'amour qui durera toute une vie. Une très courte vie. C'est la revue de la mine, de la ville. Je pense qu'on est né mineur, on va mourir mineur. Malgré les toux chroniques et les morvias sanglants. Ils ont en horreur cette idée qu'on exporte encore un produit cancérigène mortel. Malgré la propagande haineuse de bureaucrates véreux. Des gens qui parlent contre nous, là, qui déchirent leur cuisse ce matin dans les journaux, là, partout, là. Je trouve que c'est des gens qui sont même pas ignorants, ils sont plutôt ignares. Et je pense qu'il y a beaucoup là-dedans là, de sociétés d'admiration mutuelle de bureaucrates. Là. Malgré tout cela, l'amour triomphe. Quoiqu'avec un cadeau de noces de 58 millions, ça aide, mettons. Dès juin 2013, et ce pour les 20 prochaines années, ne manquez pas le nouveau film de Jean Charest, L'amour au temps du chrysotile. Bon, ben, il va falloir économiser 8 piastres, puis pas aller voir en Merta, pas aller voir ça. Ben, le mardi soir. Ouais, on va être pris, on va être pris. On va aller rejoindre Jean-Sébastien, toujours dans son périple chevalesque. Est-ce que ça se dit, ce Jean-Sébastien? Ben oui, bonjour! Je suis pas mal rendu cowboy, merci. Et on vient même de composer une chanson parce que être cowboy, c'est aussi être capable de faire de la musique, de faire du country. Ouais, ben oui. Et si vous me permettez, on a composé Cowboy Giles et moi une chanson qui va s'adresser à votre invité Amir Kadir. Donc Cowboy sera à la guitare et moi je serai à la voix. Pour si vrai? Ça va comme suit. Ok. Quand le soleil dit bonjour à Amir et que sa fille vient de passer la nuit en prison, il est seul avec son poster de révolution. Des voix lui rappellent qu'il doit désobéir. Ok. J'écoute à ma porte le bruit des casseroles qui enterrent le bruit des élections. l'émission. Et en terminant, oui, oui. Oh, le soleil, okay. Si bonjour. Amir, ah, c'est beau, hein? Il est seul à l'assemblée, mais on l'admire. Ah, ben là. Quand même. Ben là. Patrick Normand, knock à bien ce ouais, c'est ça. Vous êtes journaliste à Radio-Canada. C'est pas vers Québec solitaire qu'il faut prendre, c'est vers Parti québécois. J'avais de la misère avec ça. Ah, ouais, non, mais c'est ça. Jean-Sébastien, bravo. Franchement, c'est. Ben, Amir pleure en ce moment. C'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez avoir encore d'autres belles chansons pour nous la semaine prochaine. Probablement. Et on remercie beaucoup Cowboy Giles. Hey, merci Cowboy Giles. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Oh, franchement. Humilié comme ça en public, ça vaut une bonne main d'applaudissements. Fred! C'est notre correspondant à Québec et Ottawa, mais dans les faits, son bureau est à Montréal et il n'en sort jamais, sauf pour venir à l'émission. Voici Jean-Philippe Cipriani. Bonsoir. Jean-Philippe Cipriani, évidemment, du HuffPost. Oui. Québec. Alors, lui-même. Oui, c'est très drôle, ça, ce média-là. Non, on parlait de médias, d'ailleurs, tout fait, là, des Philippines. Vous ne travaillez pas des Philippines, vous? Non, enfin. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On dirait que tous les journalistes fuient leur métier pour devenir candidats. La question est très pertinente. Pensez bien sûr à Jean-François Lisée, notamment, Monsieur Humilité lui-même, qui se présenterait dans Rosemont, la circonscription de Louise Beaudoin, et Pierre Duchesne, non pas l'obscur lieutenant-gouverneur qui est encore en poste, mais bel et bien l'ancien journaliste qui va être candidat dans Bordua. Mais Pierre Duchesne nous avait avertis dans les dernières semaines sur Twitter avec des phrases très, très claires comme « Toutes les idées sont tissés sur le canevas de la nuit. » Alors, je pense que c'était très, très clair. Et bien sûr, c'est le bourgeois n'a d'autre rêve que de posséder, alors que l'artiste n'a d'autre possession que ses rêves, ce qui était effectivement un autre indice. Mais écoutez, il y en a qui s'insurgent du fait qu'il s'en vient très, très rapidement après avoir été journaliste. Ouais, souvenez-vous quand même, René Lévesque, 2 mois entre son élection et le fait qu'il avait quitté Radio-Canada. Et ça aurait pu être pire. Je veux dire, Pierre Duchesne aurait pu vouloir rester en onde, conduire des autobus, animer des émissions de radio, faire des pubs de balayeuses. Bref, finalement, c'est pas si pire que ça. Mais ça en fait quand même beaucoup des correspondants parlementaires qui virent candidats, non? Je veux dire, à la bonne heure, vous aussi. Merci. Bernard Drinville au PQ, Christine Saint-Pierre chez les libéraux, Gérard Deltel à la CAQ, tout le monde a été correspondant parlementaire avant de faire le soin politique. Preuve que quand on est sur place à l'Assemblée nationale, peut-être que finalement la période de questions, c'est pas si plate que ça, là. Puis, ils l'ont tout fait dans une certaine controverse. Souvenez-vous de Bernard Drinville qui a eu l'excellente idée d'interviewer son futur chef une semaine avant de devenir candidat. Christine Saint-Pierre aussi qui s'était auto-pelure de bananiser en publiant une lettre aux soldats canadiens en Afghanistan. Vous vous souvenez de ça? Elle disait « Lâchez pas les boys ». Puis ensuite, elle avait été suspendue. Elle disait qu'elle voulait pas, qu'elle contestait la mise à pied de Radio-Canada. Souvenez-vous, je pense qu'elle avait parlé de violence et d'intimidation. Oui. En tout cas, quelque chose comme ça. Et Gérard Deltel, lui, qui avait perdu sa job à TQS et qui, ce jour-là, en onde, avait fait une montée de lait contre Radio-Canada, qui était peut-être précurseur de son arrivée à l'ADQ. Quand je les vois agir le soir, vous savez leur émission là, de sport là, qui arrive actuellement, l'espèce de zone 110... qu'ils appellent, qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste un 110% de prétentieux puis de pétueux de boue. C'est 110%, c'est une invention de TQS, ça a été créé par nous et Radio-Canada n'a surtout pas le mandat de servir de l'argent des taxes pour aller nous voler nos idées, pour aller faire de la surenchère avec nos debaters. C'est ça qu'ils ont fait, c'est déshonorant et j'ai honte de Radio-Canada, j'ai honte de payer des taxes quand je vois Radio-Canada faire ça. Ouais. Ils savaient pas évidemment que vous alliez détruire le service des sports de Radio-Canada, c'est pas grave. Il parlait de la zone. Exactement. Mais il y a aussi Raymond Archambault, qui son investiture, évidemment, a été un psychodrame existentialiste. Si on monte plus loin, on en a parlé, René Lévesque, Pierre Bourgault aussi, ensuite, était journaliste. Et selon mes recherches, il paraît que même André Pratt a déjà fait du journalisme. Alors... je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe. Un plaisir. Très, très, très éclairant. Eh bien, c'est déjà tout pour ce soir. La soirée étant de moins en moins jeune, on va l'avouer. Écoutez, on vous invite à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, il y a Monique Giroux qui fait une scène en compagnie de Philippe B. et d'un invité mystère. Immédiatement après, c'est Bande à part qui est animée par Élodie Gagnon. Une table ronde sur l'état du français, ça va être intéressant ça. Et une prestation en direct des Sœurs Boulay. J'aimerais remercier toute l'équipe, évidemment, ainsi que Julie-Christine Parent, notre stagiaire Nicolas Guindé et Sylvain Brunet. Et une bonne main d'applaudissement pour notre animateur, Jean-Philippe Bautier. Merci. Merci beaucoup. Et évidemment, évidemment, un immense merci à nos invités, Amir Kadir, que vous pourrez voir sur une pancarte près de chez vous très bientôt. Et puis Décoréo. Ah, Décoréo, je suis pas sûr qu'on est preneur ici. Oui, donnez-en un, monsieur Rousseau, peut-être. Qu'on pourra voir évidemment tout le mois de juillet au 30e festival Juste pour Rire. Et quant à nous, ben, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée. Écrivez-nous si vous voulez assister à notre prochaine émission. Évidemment, c'est vendredi prochain à 19h pour une autre soirée qui sera, on l'espère, encore jeune. Merci!